d'ailleurs, dans ses barcasses toutes rouillées, pour atteindre la liberté. La liberté. Blanc, bleu, jaune, peu importe leur couleur, une vie entière ils ont cherché à survivre en terrain miné. Terrain miné. Ils ont longuement attendu leur heure pour enfin pouvoir échapper à cette vie déshumanisée. Déshumanisée. Immigrés, immigrants, tout le monde comprend. L'étranger pas souhaité. Immigrés, immigrants, tout le monde comprend. Pas souhaité, tous à bord du bateau du passeur, heureux de pouvoir accoster en pays démocratisé, démocratisé. Oui, mais ces contrées ne sont qu'à l'heure pour faire croire aux embarqués que c'est le prix de leur liberté, leur liberté. Vous qui reconnaissez leur malheur dans un sursaut d'humanité, ne les laissez pas tomber, pas tomber. Apprenez-leur à résister aux dictateurs fanatisés, fanatisés. Qu'ils oublient leur peur, toutes ces horreurs, se mobilisent pour lutter, pour ne plus être emprisonnés, emprisonnés. Retrouver à nouveau tous les leurs, reconstruire et s'entraider, à pouvoir démocratiser, démocratiser, immigrer, émigrant, tout le monde comprend. Ne croyez pas aux manipulateurs qui font passer pour assister ces pauvres gens déracinés, déracinés. Vous qui au chaud dans vos demeures pensez qu'il faut tous les virer, sinon ils vont tout nous donner. Soyez sûrs que si demain on pleure sur nos conditions d'opprimés. Eux, ils n'auront rien oublié, rien oublié. Immigrés, immigrants, tout le monde comprend, mais parce que t'es étranger. On viendra de partout et d'ailleurs vers leur pays de liberté, où personne ne nous laissera entrer, laissera entrer.